L'autre devoir par Léon Frappier. À la fin du mois de novembre, M. Valentin, sous-chef de bureau dans un ministère, vieux garçon nanti d'une bonne pièce de 50 ans, ne s'était pour ainsi dire pas encore pénétré de ce fait que la France était en guerre. Depuis le 1er août, il avait continué à se rendre au bureau et à s'en retourner chez lui, comme avant, aux mêmes heures et par le même chemin. Ses attributions n'avaient pas changé. Il touchait l'intégralité de ses appointements. Aussi ne ressentait-il aucune impression de calamité publique, malgré qu'il eût déjà des morts glorieux parmi les nombreux employés mobilisés, malgré ce supplément de drame, qu'il y a déjà eu des orphelins restant seuls au monde. Une particularité pourtant l'avait frappé, la disparition de la plupart des passantes habituées du matin. M. Valentin, en effet, qui par profession voyait peu de choses dans la vie, ne faisait attention dans la rue qu'aux femmes, d'un âge possible, bien entendu. Grand, bien découplé, la moustache relevée, c'était un brun authentique, ayant gardé presque tous ses cheveux. Simple dragon jadis, il avait la tête énergique d'un officier de cavalerie. En fait, la faculté de décision lui manquait totalement, mais elle se remplaçait par une sérénité ingénue due au profond contentement de soi. Il portait la jaquette noire, le col et la cravate à la dernière mode. Et dame, au point de vue femme, il se piquait d'être un amateur sûr, un critique supérieur, comme on se pique d'être connaisseur en tableau et en objet d'art. Donc, les abonnés d'avant la guerre avaient disparu. Les nouvelles passantes étaient peu nombreuses et parmi elles, une seule méritait vraiment d'être contemplée. Mais alors celle-là? C'était bien simple. Depuis que la virilité avait éduqué son goût, M. Valentin n'avait jamais vu une image aussi admirable. Une jeune fille d'une vingtaine d'années, assez grande, mince, visiblement bien faite, les cheveux bronzés, le visage mat d'un beau dessin allongé, des yeux de madone, avec cela une mise correcte, de nuances foncées, et une serviette de cuir sous le bras. Elle n'était ni extrêmement jolie, ni coûteusement élégante. En y regardant de près, on reconnaissait même que sa toilette, presque défraîchie, devait être l'objet des soins les plus économes. Ce qu'elle avait d'unique, d'impressionnant, c'était la distinction. M. Valentin avait au plus haut degré le sens de cette chose qui ne se définit pas, qui est dans toute la personne et dans tous les mouvements, la distinction extérieure. Lui-même, qui était d'un esprit ordinaire, il avait une physionomie assez distinguée. Cette jeune fille était la distinction même. Rien ne déformait sa grâce parfaite, au point qu'elle offrait, sous certains rapports, un aspect inaltérable de statue. Le regard le plus irrévérencieux ne l'obligeait pas à baisser les paupières, elle passait, la gêne était pour l'effronter. M. Valentin, sans chercher à première vue, lui attribua mentalement un nom, la divinité. « Ah, la divinité est en retard ce matin. Tiens, la divinité est accompagnée de deux écoliers qui sont évidemment son frère et sa sœur. » S'il n'avait pas encore pris conscience de la tragique actualité, ce n'était pas faute de lire les journaux. À la sortie du bureau, il éprouvait même le besoin de connaître au plus tôt le communiqué de 3 heures, lequel d'ailleurs ne lui produisait aucun effet, simple émulation de curiosité. Il préparait son sou d'avance, de façon à n'avoir qu'à saisir vivement la feuille annoncée par une marchande toujours postée à l'entrée du ministère. Une fois, personne n'a pu lui donner la monnaie de 10 sous. Il est donc obligé de présenter sa pièce à la marchande, et tandis qu'il fouille dans sa poche, distraitement, il la regarde. Juste ciel, la divinité! Oui, la jeune fille qui l'éblouit chaque matin, la voici devant ses yeux. Elle a une mantille sur la tête, elle porte un costume musé, une pèlerine, mais c'est elle, à n'en pas douter. Nulle expression verbale ne saurait peindre la stupeur de M. Valentin. Il reconnaîtrait la femme du ministre elle-même sous le déguisement d'une vendeuse de journaux qu'il ne serait pas autrement sidéré. Une révolution se fait en lui. Pareil à beaucoup de personnes, il avait besoin, pour accéder à quelque sensibilité générale, d'être atteint dans son égoïsme majeur, dans le principal de son existence. Combien de gens seraient peu influencés par la guerre s'ils n'avaient pas d'enfants? Valentin, lui, a la fibre galante, au lieu d'avoir la fibre paternelle. Sans être un débauché, en dehors de l'administration, il rapporte toute pensée au monde féminin. Donc, la jeune fille distinguée, la divinité du matin, représente si bien l'idéal pour son rêve dominant qu'il est censément éprouvé dans son affection la plus chère en la voyant sous l'aspect du soir, et que par suite il éclot à la sensibilité générale. Comment ? Cette délicieuse créature, c'est le malheur des temps qui veut ça. Brusquement, cet homme, si peu observateur, cet homme jusqu'alors si plein de son propre mérite qu'il ne pouvait rien au-delà de lui-même, le voici capable d'imagination à la fois positive et divinatoire. Il voit chez les autres. Tout en rentrant à la maison, il évoque ce drame de la guerre. Une jeune fille exerçait la profession d'institutrice particulière et faisait vivre la famille. Sa mère, son jeune frère, sa jeune sœur. Arrive l'époque où, par suite des circonstances, elle n'a plus d'élèves. Il ne lui reste qu'une seule leçon à donner le matin. Quelle va être sa ressource extrême si elle ne peut supporter la pénible assiduité des travaux d'aiguille, si elle a subi dans ses recherches quelque inacceptable humiliation? L'héroïque fille choisit de ne dépendre de personne. Son frère ira chercher les journaux et bravement, elle les vendra. Elle fera deux personnages. La correcte institutrice deviendra, alors dite une ouvrière de rue, astreinte au plus rude effort. L'obstinée faction sous l'injure du temps, le froid aux cruelles morsures, le vent hargneux qui déchire les doigts et cherche à vous arracher le papier à vendre, la pluie qui finit par affliger le corps sous les vêtements. Cette reconstitution effectuée, voilà que M. Valentin, de jour en jour, est obsédé par la voix de la jeune fille, une voix douce et pénétrante qui fait, de la banale annonce, la liberté, la liberté, un étrange appel impressionnant. Et voilà que, pour avoir senti un drame de la guerre, M. Valentin évoque en entier l'effroyable tragédie. Tout ce qu'il a lu sans émotion s'anime en lui maintenant. Les atrocités, les héroïsmes, les attentats aux droits, les revanches de la justice. Un déroulement continu s'opère dans sa mémoire, sous l'incitation répétée de la voix chantante « La liberté, la liberté ». Autrement dit, éveillez-vous, apprenez, frémissez. Sachez le sort de ceux qui se battent, les fils, les frères, les maris. Sachez le sort de ceux qui attendent, les vieillards, les femmes, les enfants. Et vous, regardez-vous, la liberté, la liberté. Ça lui est venu tout d'un coup, en payant sa vieille femme de ménage un dimanche matin. Qu'est-ce que vous dites, Madame Benoît ? Moi, rien, monsieur. Vous n'avez pas dit la liberté ? Je n'ai pas ouvert la bouche. Eh bien, c'est pas tout, ça. Il faut quitter vos autres ménages et venir chez moi à demeure. Mon gardien de bureau, mobilisé au premier jour, a disparu. Il était veuf, il laisse un petit garçon de 8 ans. Je le prends, c'est forcé. Alors, vous, ce sont les soins de la gouvernante. Moi, savez-vous que je suis bachelier, Madame Benoît ? Je me charge des répétitions, le soir après l'école. Tenez, ce guéridon fera notre affaire à tous deux, le maître et l'élève. Déjà, M. Valentin débarrasse le meuble, il va et vient, il transporte les objets en parlant. Madame Benoît, il faut bien vous persuader d'une chose, c'est la guerre. Se base sur le piano. La nation a fait deux parts de ses forces, les forces de combat et les forces de conservation. L'album sur l'étagère. Donc, tout se résume en deux devoirs, tout, vous entendez ? Les statuettes sur la cheminée. Pour ceux dont le bras est armé, le formidable devoir, frapper. M. Valentin assène durement le verbe, puis il s'arrête devant la fenêtre, les yeux dans la rue, la pensée chez les malheureux. Pour ceux qui restent, l'autre devoir. Ici, sa figure prend son expression définitive, dirait-on. Il se retourne vers son interlocutrice. « L'autre devoir » répète-t-il. Et brave homme, il le précise simplement du divin mot « aimer ». C'était « L'autre devoir » par Léon Frappier.